Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن هذه الدنيا ليست إلا متاع وأن الآخرة هي دار القرار ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت عباد الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم Serviteur d'Allah, craignez Allah et sachez que cette dunya n'est rien d'autre que jouissance éphémère. Et sachez que la demeure qui va rester et qui est ferme, c'est la vie de l'au-delà. Et qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et aucune âme ne sait ce qu'elle va acquérir demain et aucune âme ne sait en quelle terre elle mourra. Serviteur d'Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les deux pieds du serviteur resteront toujours fermes tant qu'il n'est pas questionné au sujet de cinq choses. Au sujet de sa vie et qu'est-ce qu'il a fait durant celle-ci. Au sujet de sa jeunesse et comment il en a profité et qu'est-ce qu'il a fait durant sa jeunesse. Au sujet de son bien et de sa richesse et de où est-ce qu'il l'a gagné. De quelle manière il l'a gagné et comment il l'a utilisé, comment il l'a dépensé. Et également au sujet de sa science et qu'est-ce qu'il a fait avec cette science. Ayyuha an-nas, ittaqullah wa'lamu anna din al-islam huwa ad-din al-qayyim alladhi fihi salah al-ibad wa huwa a'zamu al-minan 'alayhim min al-karim al-wahhab ولا يقبل الله من العباد سواه وقد تكلف لسالكه بخير دينه ودنياه فيه من المبادئ السامية والأخلاق العالية والنظم العادلة وما تشتهيه الأنفس وتمتد إليه الأعناق. Oh, vous les hommes, serviteurs d'Allah, sachez que la religion de l'islam est la religion de la droiture, dans lequel il y a tout ce qui est bon pour les serviteurs. Et c'est la plus grande de toutes les grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait aux serviteurs. Et c'est une de ces grâces, une grâce de la part de celui qui est le noble, celui qui donne de ses dons à toutes ses créatures, Al-Karim, Al-Wahhab. Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera aucune autre religion de la part de ses serviteurs autre que l'islam. Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. La religion d'Allah c'est l'islam. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Et celui qui cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, et dans l'au-delà il sera du nombre des perdants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a procuré à ceux qui suivent cette religion le bien de cette dunya et le bien de la vie et le bien de l'adoration et le bien de la religion. Il y a en cette religion, en l'islam, tous les fondements et les principes de la noblesse et les principes du noble caractère et des comportements élevés. Il y a toutes les organisations justes et tout ce que l'âme peut désirer. Et il y a en celle-ci ce qui éblouit les hommes dans sa beauté, dans sa perfection. وَقَدْ تَكَلَّفَ بِالْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ لمتبعيه لحسنه وجماله وفضائله أليست عقائده الصحيحة أصح العقائد وأصلحها للقلوب وأنفعها للأرواح أليست أخلاقه أجمل الأخلاق وبراهينه في غاية القوة والبيان والإيضاح فهل أعظم وأنفع وأكمل من الاعتقاد اليقيني الذي لا ريب فيه أن تعلم أن لنا ربا عظيما تتضاءل عظمة المخلوقات كلها في عظمته وتضمحل إذا نسبت إلى كبريائه ومجده وحكمته. Serviteur d'Allah, celui qui suit cette religion, Allah subhanahu wa ta'ala lui procure le bien et une bonne vie dans cette vie d'ici-bas, et qu'ils auront et ils profiteront de sa beauté et de sa bonté et de ses grâces. N'est-ce pas que la croyance correcte de l'islam est la plus correcte des croyances et celle qui purifie encore plus le cœur et qui est le plus bénéfique pour les âmes des hommes? N'est-ce pas que les comportements de l'islam sont les plus beaux comportements et que les preuves établies par l'islam sont les preuves les plus fortes et les plus puissantes et les clarifications de l'islam les plus claires? N'est-ce pas que la croyance la plus bénéfique et la plus parfaite de toutes les croyances qui ramène au serviteur la certitude à propos de son Seigneur, qui est bien entendu de n'avoir aucun doute et de savoir que nous avons un Seigneur qui est immense. Yani, toutes les choses qui sont dans la création, peu importe leur grandeur, paraissent petites devant la grandeur de ce Créateur, de ce Maître Tout-Puissant. Toutes les créatures qui existent dans cet univers, le soleil, la lune, les astres, la terre sur laquelle nous vivons et qui nous paraissent tellement grandes et immenses, tout cet univers qui paraît à nos yeux lorsqu'on regarde être tellement grand qu'on ne sait même pas où est-ce qu'elle finit, toute cette grandeur-là devant Allah subhanahu wa ta'ala n'est rien qu'une chose toute petite et infime. Comme Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu a expliqué que si on prend une graine de sable et qu'on la met dans notre main, eh bien ça c'est l'exemple de l'univers tout entier dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme l'exemple d'une graine de sable dans la main de l'un d'entre nous. Et toute cette grande création est bien devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant sa grandeur, devant sa majesté, devant sa sagesse, elle s'estompe, elle devient, et elle est comme une infime et minuscule chose. Lahul asma'ul husna, wa sifatul kamal, wa sifatul kamila al-ulya, أحاط بكل شيء علما ورحمة وقدرة وحكمة وحكما وشمل كل موجود بحسن تدبيره وإحكام وإحكامه ونظامه وحسنه وقد أحسن ما خلقه وأبدع ما صنعه وأحكم ما شرعه له العلو المطلق من جميع الوجوه وهو الغاية في الكمال فلا تخش غيره ولا ترجو غيره يجيب الداعين ويفرج الكرب ويفرج الكرب عن المكروبين ومن توكل عليه كفاه ومن أناب إليه وتقرب إليه قربه وأدناه ومن آوى إليه آواه ولا يأتي بالخير والحسنات إلا هو. الله سبحانه وتعالى a les plus beaux noms et les plus belles attributs, les plus parfaites et les plus élevées. Et de sa science, de sa miséricorde, de sa puissance, de sa sagesse et de son jugement, il a enveloppé toute chose. Et toute chose qui est créée et est gérée par Allah subhanahu wa ta'ala est organisée et gérée et contrôlée de la meilleure manière et de la façon la plus parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce qu'il a créé de la meilleure façon. Et il a jugé et géré sa création de la meilleure manière, son décret le plus parfait. Il est celui qui est au-dessus de toutes choses et qui est élevé sur tous les plans. Et c'est lui qui a la perfection dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il est, dans tous ses noms et dans tous ses attributs. Et donc, nous ne craignons personne d'autre que lui. Et nous n'espérons en personne, excepté en lui. C'est lui qui exauce, celui qui fait l'invocation et qui lui demande. Et qui délivre la personne qui est en difficulté lorsqu'il a des difficultés et des malheurs. Et celui qui met sa confiance en lui, Allah subhanahu wa ta'ala lui suffit. Et celui qui se repent et qui cherche à se rapprocher de lui, Allah subhanahu wa ta'ala le rapproche. Et celui qui cherche protection en lui, Allah subhanahu wa ta'ala le protège. Et personne ne ramène du bien et des bonnes choses excepté Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَكْشِفُ السُّوءَ وَالضَّرَّاءِ سِوَاهُ يَتَوَدَّدُ إِلَىٰ عِبَادِهِ بِكُلِّ سَبِيلٍ ويسبغ عليهم بعطائه وكرمه الجزيل لا يخرج عن خيره وجوده إلا المتمردون ولا يعرض عن طاعته إلا الظالمون فهل تصلح القلوب والأرواح إلا بالتأله إليه وهل للعباد معاد وملجأ إلا إليه ففروا إلى الله إِذْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. Et il n'y a personne qui peut délivrer du mal excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le bien vient uniquement de lui. Il sait se faire aimer de ses créatures par tous les moyens. Et il les couvre de ses dons et de sa noblesse et de sa générosité. Rien ne sort de son bien et de sa générosité, excepté les gens qui s'enflent d'orgueil et qui se rebellent. Et personne ne se détourne de son obéissance, de l'obéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, excepté les injustes. Et donc, est-ce que quelque chose peut purifier et réformer les cœurs et les âmes, excepté le fait de se soumettre à Allah, subhanahu wa ta'ala, et d'établir son adoration? Et de se rabaisser devant sa grandeur et de reconnaître son adoration. Et est-ce que les serviteurs ont une protection ou un refuge en autre que lui? Alors fuyez vers Allah, puisqu'il n'y a pas de refuge d'Allah et personne ne peut se protéger d'Allah excepté en retournant vers lui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وكذلك يهدي هذا الدين لأحسن الأخلاق والأعمال ويحث على محاسن الآداب وطرق الكمال لا خير ولا فلاح ولا هدى إلا دل عليه ولا شر ولا ضرر ولا فساد إلا حذر عنه أما حث على الصدق والعدل في الأقوال والأفعال أما أمر بالإخلاص له في كل الأحوال. Serviteurs d'Allah, de même sachez que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui guide à cette religion et que cette religion guide au meilleur comportement et aux meilleures œuvres et incite les hommes à adopter le meilleur comportement et les chemins du perfectionnement et de la perfection. Il n'existe pas de bien ni de succès, ni de guidance, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala nous y a guidés et que cette religion-là nous le montre. Il n'y a pas de mal ou de nuisance ou de désordre ou de corruption, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala nous en a avertis et que cette religion-là nous l'a interdit. N'est-ce pas que cette religion a invité et incité les hommes à la véracité et à être sincères et à la justice dans nos paroles et dans nos actions? N'est-ce pas que cette religion ordonne la sincérité et la pureté de nos intentions dans toutes choses et dans toutes les situations? أَمَا حَثَّ عَلَى الْإِحْسَانِ الْمُتَنَوِّعِ لِأَصْنَافِ الْمَخْلُوقَاتِ وَبِالتَّوَاضُعِ لِلْحَقِّ وَلِلْخَلْقِ فِي كُلِّ الْحَالَاتِ أَمَا أَمَرَ بِنَصْرِ الْمَظْلُومِينَ وَإِغَاثَةِ الْمَلْهُوفِينَ وإزالة الضر عن المضطرين أما رغب في حسن الخلق بكل طريق وعلى القريب والبعيد والعدو والصديق. N'est-ce pas que cette religion incite à la bonté et au perfectionnement et à tout ce qui est bon dans toutes les différentes catégories de biens qui peuvent exister envers toutes les différentes sortes de créatures, envers les êtres humains, et même envers les animaux, et même envers les plantes, et envers toutes les différentes créatures qu'Allah a créées? Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne le bien envers toutes ces choses. N'est-ce pas que cette religion nous ordonne l'humilité envers la vérité et envers les créatures dans toutes les situations? Et n'est-ce pas que cette religion nous ordonne de défendre les opprimés et de donner de l'eau aux assoiffés et d'enlever toutes les difficultés qui peuvent atteindre une personne qui est dans une situation de détresse et de difficulté? N'est-ce pas que cette religion a ordonné et a appelé au meilleur des comportements dans toutes les situations, envers celui qui est proche de nous ou loin, et envers l'ennemi et l'ami? أَمَا نَهَا عَنِ الْكَذِبِ وَالْفُحْشِ وَالْخِيَانَاتِ وحث على رعاية الشهادات والقيام بالأمانات أما حذر من ظلم الخلق في الدماء والأموال والأعراض والحقوق أما زجر عن القطيعة والإساءة والعقوق أما أمر بفعل الأسباب النافعة مع التوكل على المولى. N'est-ce pas que cette religion a interdit le mensonge et la turpitude et les péchés et les trahisons et les différentes formes de tricherie, et que cette religion a incité à tenir compte des témoignages qu'on fait et de les faire avec véracité et d'établir les gages et les dépôts qu'on nous fait et de faire preuve d'honnêteté et de fiabilité? N'est-ce pas que cette religion a averti contre le fait de faire de l'injustice envers les créatures dans leur sein, dans leur bien et dans leur honneur et dans leurs droits. N'est-ce pas que cette religion a réprimandé et puni le fait de couper les liens de parenté, de faire du tort et de mal agir envers les hommes, et de ne pas bien agir envers les parents, et de ne pas obéir à nos pères et mères? N'est-ce pas que cette religion a ordonné à faire les causes nécessaires et bénéfiques, tout en mettant notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir ce qu'on a besoin et ce qu'on veut? أما حث على التآلف والاجتماع على الحق والمودة والإخاء على التوحيد أما أمرنا أن نعد لأعدائنا ما نستطيعه من قوة نافعة ووافية وأن نقوم بكل ما يقيم الدين ويصلح الدنيا بالوسائل الكافية. N'est-ce pas que cette religion a ordonné de rester unis et de s'unir et de se rassembler sur la vérité et de s'aimer et d'être comme des frères en s'unissant sur l'unicité d'Allah et sur le tawhid? N'est-ce pas que cette religion nous a ordonné de nous préparer et de préparer tout ce qu'on a de besoin comme force bénéfique et suffisante contre nos ennemis? N'est-ce pas que cette religion nous a ordonné et cette religion nous a demandé d'établir tout ce qu'on a besoin pour être capable d'établir cette religion et de réformer cette dunya, réformer les affaires de la vie d'ici-bas par tous les moyens nécessaires et suffisants? Ama abahat tayyibat min ma'akil wa masharib wal malabis wal mu'amalat wa harrama alayna al khaba'ith والمضار والمفاسد في كل الحالات فأي صلاح ديني ودنيوي لم يرشد إليه هذا الدين وأي ضرر وشر إلا بين طرقه وحذر عنه العالمين. Et n'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis toutes les bonnes choses dans cette vie, toutes les bonnes choses à manger et à boire, tout ce qui est bon, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a permis. Et tout ce qui est bon à porter comme vêtements, ou toute bonne interaction, et les choses qui ont rapport avec les interactions qu'on a avec les hommes dans la vie, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a permis, comme le commerce, hein, et toutes ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous les a permis. Et n'est-ce pas qu'il nous a interdit tout ce qui est mauvais, et tout ce qui est nuisible, et tout ce qui ramène du mal et de la corruption dans toutes les situations? Alors, فأي صلاح ديني ودنيوي. Et donc, où est le bien, que ce soit dans la religion ou dans la dunya, à laquelle cette religion-là n'a pas appelé? Cette religion a appelé à tout ce qui a de bien et tout ce qui a de bon. Et il n'y a pas un bien excepté que cette religion-là a invité les hommes à le suivre. Et il n'y a pas un mal, et il n'y a pas quelque chose de nuisible excepté que cette religion-là a clarifié son mal et a mis en garde et a averti l'univers contre ce mal. Et c'est pour cette raison لهذا يقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ويقول إن الدين عند الله الإسلام ويقول تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai choisi et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et il dit: certes la religion pour Allah c'est l'islam, c'est-à-dire la religion que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour l'humanité depuis Adam jusqu'à la dernière des créatures qui vivra sur cette terre à l'heure de la résurrection. Il a choisi pour toutes ces créatures et pour tous les hommes, du premier jusqu'au dernier, que ce soit l'islam qui est l'obligation pour lui de suivre s'il veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala correctement. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit explicitement dans le Coran, et quiconque recherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. ولكن مع الأسف نرى كثيرا من الكفار والمنافقين يحاربون الإسلام ويربون أولادهم منذ صغرهم على بغض الإسلام ومع ذلك ينتشر الإسلام في كل مكان ولا يستطيعون القضاء عليه مهما حاولوا لأنه دين الله وليس دينا من الأديان كما يفهمه الملحدون لا دين حق إلا الإسلام لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وجميع الأديان الأخرى باطلة ومنسوخة. Et malheureusement, on remarque et on constate que beaucoup d'entre les ennemis de l'islam, parmi les mécréants et les hypocrites, sont en train de mener la guerre contre l'islam. Et ils élèvent leurs petits-enfants, depuis leur jeune âge, à détester l'islam et à avoir la haine de l'islam. Mais malgré ça, on voit que cette religion se propage de plus en plus partout dans le monde. Et ils essaient, par tous les moyens, d'arrêter cette religion et d'arrêter la propagation et l'avancement de cette religion. Et par tous les moyens possibles, par les médias, par la radio, par les journaux, par toutes les autres formes et méthodes qu'ils peuvent trouver pour essayer de faire reculer cette religion, d'arrêter cette religion. Et malgré tout, elle continue. Et donc, la raison de ça, bien entendu, c'est parce que cette religion, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas d'autres religions que l'islam. Et donc l'islam, ce n'est pas une religion parmi d'autres, comme certains s'imaginent, comme les athées peuvent penser, ou les laïcs, qui pensent que toutes les religions sont pareilles et que toutes les religions sont égales. Non. L'islam est la religion d'Allah. Il n'y a pas de vraie religion excepté l'islam. Et Allah n'a jamais envoyé un prophète sur la terre avec une religion autre que l'islam. Et rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Ça, c'est la signification de la ilaha illallah. Et toutes les religions en dehors de l'islam sont fausses et abrogées. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et on va terminer cette khutbah avec ce verset, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. C'est-à-dire que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité pour qu'elle ait le dessus sur toute autre religion, même si cela en déplaît aux mécréants. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا صووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة حادوا بين المناكب والأقدام تراصوا. الله أكبر الله